Les bleuets fortins du 555 Deakin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour Denis! Michel, à Chibougamau, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ben, disons que dans la semaine des vacances, c'est sûr que ça a été un petit peu plus tranquille. Oui. Mais hier soir, on avait un Calcutta. OK. Donc, on a eu une cinquantaine de joueurs. OK. Puis aujourd'hui, le terrain est plein, beaucoup de visiteurs. Très belle journée encore. OK. En fin de semaine, samedi, on a la Coupe des champions. Oui. Dernière qualification, où on devrait avoir encore une trentaine de participants. Et à compter de dimanche, pour toute la semaine, c'est la grosse semaine au club de golf de Chibougamau, le Super Calcutta, Huard et compagnie, où 90 joueurs répartis en 18 équipes de 5 vont jouer toute la semaine, 3 parties pour une grande finale samedi prochain, le 13. OK. Mais si on y allait avec, avec les Calcutta d'hier, c'est qui a gagné, hein? Ah, hier, donc on avait deux catégories. OK. On avait une catégorie où les gens pouvaient se regrouper selon leur plaisir. Puis on avait une autre catégorie où on prenait les joueurs et on les répartissait en équipe. OK. Fait que dans une équipe, c'était regroupé. On avait quatre capitaines réguliers qui ont joué moins 10, alors que dans la catégorie où on a placé les joueurs, l'équipe d'Alain Girard a quand même réussi moins 8. Donc, okay. Très belle performance hier. OK. Donc, moins 8. Il y avait combien de golfeurs? Une cinquantaine de golfeurs. OK. Donc, c'est très, très bon. Hey, dis-moi, tu dis j'ai beaucoup de visiteurs. Je veux pas être méchant, mais à Chibougamau, les gens, faut y aller à Chibougamau. C'est un peu comme ici à Dolbeau, Mistassini. Vous avez-tu beaucoup de touristes à Chibougamau pour voir, pour aller jouer au golf? Ou c'est des ouais, c'est des green fees. Quand on parle de visiteurs, là, ouais, c'est des non-membres. Ah, OK. Il y a beaucoup de gens de la place. OK. Puis beaucoup des communautés cries. Comme ce matin, là, on a une trentaine de Waswanipi okay. qui sont ici. Okay. Puis après-midi, là, j'ai peut-être une vingtaine de joueurs de Mistassini qui vont être ici. OK. Donc, on a des joueurs dans le fond du secteur qui viennent profiter des vacances pour jouer au golf. Ouais, OK. Donc, c'est à surveiller de très, très près. Aussi, Super Calcutta, tu m'as dit dimanche? Oui, à partir de dimanche, toute la semaine, c'est la grosse activité. Des soirées pratiquement tous les jours. OK. Pâté hot dog, le dinde, de balle en blanc et noir, vendredi soir. Samedi, c'est la finale avec la soirée. Donc, une grosse semaine d'activité. OK. Puis Alexandre est en congé, lui, hein? Pierre-Alexandre, il pratique. Il joue beaucoup dans le secteur de Cap-Rouge. Ouais. Puis, de ce que j'ai entendu dire, il joue possiblement son meilleur golf depuis longtemps. OK. Dans toute la semaine, j'ai entendu parler des moins 6, moins 8. Ah, c'est bon. Des très grosses performances. OK. Donc, ça va probablement le motiver. Ça va probablement, parce que la semaine passée, il va être déçu pour voler. Je pense que c'est la première fois qu'il ne partira pas au championnat canadien depuis une couple d'années. Donc, championnat canadien amateur. Donc, ça a dû le décevoir. Donc, ça a dû le fouetter en même temps. On va y parler au cours des prochaines semaines. Là. Mais ça a dû le motiver. Oui, effectivement. Ça. Ouais. Effectivement, ça l'a motivé. Il a pratiqué avec son entraîneur. Okay. Puis toute la semaine, il s'est donné comme mission d'augmenter son golf et de revenir dans des bonnes performances. Lui, je pense qu'il est au championnat canadien. Il est à un autre championnat, je pense, à compter de la semaine prochaine. C'est ça? C'est le championnat amateur canadien. OK. Bon, ben, Michel, on s'en reparle la semaine prochaine? Avec plaisir, Denis. Voilà, donc c'était Michel Lallemand de l'Association de soccer de Chibougamau.